vicious or malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something lurks in this torso. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a stoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Groove is in the heart. C'était les New Yorkais de D-Light qui constataient en 1990 que le groove est dans ton cœur, tandis que le chabichou est en Poitou. Tiens, au fait, elle devient quoi, Ségolène ? Si quelqu'un pouvait faire preuve d'un peu de gentillesse à mon égard, m'adresser un salut ou un petit sourire amical, je pense que cela apaiserait mon âme et réchaufferait mon cœur. Eh bien, à 11h11, tu es confortablement vautré dans ton canapé afin d'ouvrir ce 179e épisode du Mangin Palace et amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques, puisqu'il est l'heure de notre petite session freudienne. Et mon Dieu quel bonheur d'avoir un maestro bricoleur. Eh oui, car ce matin, Monsieur Divan Beaugelet nous a ouvert sa boîte à outils d'où sont sortis un marteau-piqueur berlinois, du papier de verre du Quai d'Orsay et un massicot de Solferino. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Rideau donc ce matin sur les célébrations du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Est-ce que vous allez nous en reparler à chaque instant? L'incident est clos. Et Nicolas Sarkozy a lancé un appel à faire tomber tous les murs qui se dressent encore dans le monde après avoir célébré la paix retrouvée grâce à l'entente franco-allemande. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Zoltan. Je suis le président de la France. C'est ce que je vois, oui. Vous êtes les Allemands. Pas parfaitement, je comprends. Et si l'Europe signifie la paix, elle signifie pour les peuples allemands et français une responsabilité immense. C'est vous qui me dites. Celle de notre amitié. De notre fraternité. Ah ben dis donc, mon bonhomme. Une allocution qui a par ailleurs été en grande partie recouverte par sa traduction en allemand, ce qui l'a rendu difficilement audible. C'est vachement intéressant, les mecs. Mais vous m'avez réveillé. Notre invité ce matin, Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur Kouchner. Bonjour. Qu'est-ce que vous devenez? On ne se voit plus. Qu'avez-vous pensé du renvoi des trois Afghans dans leur pays? Ah ouais, t'as vu cela, voilà. Après l'opération d'Éric Besson. Non, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, je t'écoute. Surtout quand on se bat là-bas, mais ces Afghans-là, oui, nous battons en Afghanistan. Il y a c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire il n'aurait pas fallu les renvoyer. Je pense que c'est... Non, je pense que ça n'est pas utile. Je l'ai dit à Éric Besson. Ça, c'est du pain béni pour les journaux. Hein. C'est pas une catastrophe. Vous l'avez dit au président? Il ne perd rien pour attendre. Mais bien sûr, je l'ai dit au président. Et qu'est-ce qui vous a répondu? Bah écoutez, laissez-moi avoir des dialogues avec le président. On connaît ma position. Ce qui n'est pas si vrai. Au suivant. Tout d'abord, Vincent Peillon, vous êtes député socialiste européen. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, où est-ce que vous étiez encore fourré? Le débat sur l'identité nationale, vous y allez au PS ou pas? Il faut surtout pas y aller. Certainement pas. Il faut refuser ce débat, qui est un débat, vous le savez, hein, pour aller chercher sur un socle étroit qui est le sien, 30%, les voix de l'extrémisme français de droite. C'est encore une de ces machinations. Il y a un moment où nous sommes, je voyais la polémique avec le nouveau prix Goncourt, qui disait ce qu'elle pensait de, comme Yannick Noah, ce qui est devenu la France depuis un moment. On a un débat sur l'identité nationale, on passe sa vie quand on prend le métro comme moi, à avoir des contrôles aux faciès. Il y a un moment où des gens doivent dire c'est fini. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand ça va avoir lieu. Et justement, sur cette polémique des dates... Je sais que c'est assez bizarre, mais... Une photo nocturne montre Nicolas Sarkozy, Zoltan, il y a 20 ans à Berlin devant le mur. Mais était-ce vraiment le 9 novembre, comme il le raconte sur Facebook? Comme c'est intéressant. Mais les souvenirs d'Alain Juppé sont bien plus flous, évoquant le 10 ou le 11 novembre. Puis sur son blog, le 9, ou quelques jours plus tard, ma mémoire est imprécise, déclare l'ancien Premier ministre. Ils sont versatiles, ces gens-là. De quoi alimenter les commentaires. Manifestement, il n'était pas à Berlin le 9 novembre, donc il n'a pas dit la vérité. Heureusement qu'il n'a pas prétendu être là le jour de la prise de la Bastille, parce que je ne sais pas comment il s'en serait sorti. Écoute, tu te tracasses à propos d'hier, et moi c'est demain qui me tracasse. C'est demain qui me tracasse. Bon, d'accord. Mais hier demeure également intrigant, puisque tu n'as pas pu le manquer cette semaine, c'est la grosse polémique autour de la date précise de la présence de Nicolas Sarkozy, de François Fillon et d'Alain Juppé à Berlin en novembre 1989 pour assister à la chute du mur. Était-ce le 9 ou le 16? Eh bien, à la panique, nous avons la réponse. C'était évidemment le 9, tout simplement parce que c'est président Sarkozy qui le dit. Et pour tous les grincheux qui contestent cette vérité, nous rappelons que notre président est un homme polyvalent. Hein, Nico ? Ah, c'était la belle vie avant quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après, c'était plus dur quand t'as été guerrière au pendant que tu faisais banquier, avant-centre et puis dresseur de chameaux. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, mais en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Eh oui, il est comme ça notre président. Alors, il ne faut pas s'étonner de le voir présent à Berlin le soir de l'événement avant la plupart des journalistes. Bon, ne me demande pas comment il a fait, je n'ai pas la réponse. Même François Fillon ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé. C'était il y a 20 ans. Nous étions jeunes et large des peaux. Bandit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Ainsi, nos trois pieds nickelés sont partis on the road again en direction de Berlin, divisé par le mur. Mais s'ils sont arrivés le 9 novembre, dans la journée, c'est-à-dire avant les événements, il y a bien une raison. Quatesque. Peut-être en quête d'une amourette berlinoise. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Ou bien alors, le trio de députés français, à l'époque dans l'opposition, s'était rendu à Berlin pour étudier de près à quoi pouvait bien ressembler une dictature. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Ah, la France du général de Gaulle. Elle n'était déjà plus dans les bagages de Nicolas Sarkozy quand il a débarqué à Berlin en 1989. Et pour mieux comprendre à quoi ressemblait une dictature stalinienne, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon s'étaient tout de suite rendus à Potsdamer Platz, séparés en deux par le mur. D'ailleurs, François Fillon fut bouleversé par cette cicatrice urbaine, ce mur de la honte. Un mur pareil, ça doit être une belle propriété. Alors, c'est fermé. Allez hop, ça vous va le point de vue là-haut, chef? Discute pas, monte. Ils auraient quand même pu laisser les clés sur la porte avant de se barrer. T'as raison. Bon, évidemment, ce trio de choc s'est fait fissa dégager des abords du mur. Un moment terrible pour ces élites politiques si peu reconnues dans leur pays, puisqu'en 1989, ils étaient dans l'opposition, je te le rappelle. Oui, comme dans une impasse. Voilà, les mecs, on est dans l'impasse du domaine du cul-de-sac, là. Avec le suicide, moi, je vous dis. Et que ça devrait. Les plus grands, ils sont suicidés, c'est par hasard. Monterland, l'autre japonais, là, Shishima. Mishima. Bon, enfin, avec des pointures. Il y a aussi Mike Brandt et Dalida. Hein. Bon, ça va, hein. Tu me les casses. De toute façon, je sais bien que c'est de ma faute, tout ça. Je sais bien. attends, j'ai pas dit ça. Hein. Ouais, mais tu l'as pensé, pour moi c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas là? Oh, c'est à cause de moi toutes vos emmerdes, j'ai bien compris. C'est à moi de payer. Bon là, arrête. Non, mais reviens là. Reviens là, tu nous fais peur là. Arrête, ah, putain! Putain, c'est pas vrai, mais t'approches pas. Non, mais j'approche pas, mais tout. Approche pas, toi. J'ai pas peur, hein. Putain, mais allez, saute. Vas-y, allez, saute, mon vieux. J'en ai rien à foutre. Écrase-toi bien la gueule là. Ça va. Quoi? Quoi? Vous pensez vraiment qu'est-ce que t'as dit là? Si vous dites vraiment, moi je saute là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Attends, t'as pas le droit. C'est moi qui ai eu l'idée en premier. Non, non, attends. C'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, mais moi je rigole pas, je saute vraiment. Et moi quand même, tu parais que je rigole pas. Et voilà comment tout s'est passé. En voulant sauter le mur, ils ont tout simplement fait une brèche. C'est alors qu'un policier d'Allemagne de l'Est, un Vaupeau, a immédiatement vu l'occasion pour lui de franchir le mur et de commencer une nouvelle vie. Mein Leben fängt erst richtig an, wenn ich dort immer bleiben kann. Dort, wo der Cowboy in der Nacht, wenn hell der Mond am Himmel lacht, die Pferde und das Vieh bewahrt. Bon ben, la suite est connue. Des milliers d'Allemands de l'Est ont profité de l'ouverture faite par Nicolas Sarkozy et ses deux compères pour passer à l'Ouest. Et comme il y avait des photographes, ben, déjà experts en communication, M. Sarkozy a vu l'occasion de se faire de la pub et il a demandé à François Fillon de lui apporter des accessoires pour la photo, donc. J'aimerais que tu me trouves un marteau taille-pierre. Un quoi? Un marteau taille-pierre. C'est quoi et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Un taille-pierre fait une quinzaine de centimètres de long et ressemble à un pic en miniature. Un pic? Pour les pierres. Les pierres. Le quartz. Le quartz. Le mica. Le schiste. Le calcaire. Et alors? Je suis collectionneur de pierres. Enfin, je l'étais dans mon ancienne vie et j'aimerais l'être à nouveau si possible. Ou peut-être que tu veux enfoncer ce jouet dans la peau de quelqu'un? Non, monsieur. Je n'ai pas d'ennemis ici. Non? Attends un peu. Des bruits circulent. Mais s'il y a un problème, je ne me servirai pas du taille-pierre. D'accord? Alors, c'est que tu veux t'évader. Un tunnel sous le mur, peut-être? J'ai loupé quelque chose, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu comprendras quand tu verras un taille-pierre. Alors bien sûr, maintenant, comme nous, tu es convaincu qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur la date à laquelle Nicolas Sarkozy s'est réellement retrouvé à Berlin, en compagnie de François Fillon et d'Alain Juppé, en novembre 1989. Et puis bon, peu importe la date, tous les trois, ils ont des souvenirs en commun. Les volets rouges et la tourlière, une blonde comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. Hé, 50 kilos de patates. Un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Jo. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Away. I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. Out. You want out. Relator, c'est le duo très chic, composé de Pete Yorn et de Scarlett Johansson, une pin-up hollywoodienne qui pose parfois de vrais problèmes aux adolescentes. Mais qu'est-ce que t'as ? Il y a que je revendique la beauté comme un droit de l'homme. Mais t'es belle à l'intérieur, ma fille. Génial, génial. J'ai certainement une vésicule biliaire d'enfer, des poumons adorables, un foie féerique et des ovaires grandioses. Ce que t'as, c'est des kilos en trop. Alors arrête de manger, maigris et tu seras heureuse. Mais tu comprends pas que pour maigrir, il faudrait d'abord que je sois heureuse ? Alors maintenant, après avoir découvert ce que fabriquait réellement M. Sarkozy à Berlin en novembre 1989, il est temps dès à présent, à 11h26, d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que le week-end prochain, l'Agence nationale des services à la personne tiendra salon Porte de Versailles à Paris. Bon, évidemment, l'expression « service à la personne », c'est le vocable fauderche aujourd'hui pour désigner parfois les domestiques, soubrettes et camériistes. Et intrigués forcément par ce curieux salon périphérique, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont alors déguisés en employés de maison afin d'en savoir un peu plus sur cette profession. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions dévorés de curiosité. Alors, jeudi soir, pour découvrir les secrets des grandes demeures bourgeoises, nous avons embrassé la fonction d'employé de maison. Vous saurez tout demain sur la vie intime de la Maison Blanche. C'est demain en effet que sortent en librairie les souvenirs d'une ancienne femme de chambre de la Maison Blanche qui servit très loyalement ses illustres maîtres pendant 30 ans. Ce livre ne contient rien de scandaleux, mais révèle d'amusants détails. Hoover n'aimait pas les domestiques, si je peux me permettre d'utiliser ce mot qui devrait être réservé aux animaux. Il fallait que les employés de la Maison Blanche disparaissent quand ils entraient dans une pièce. Bien que très riche, le président Roosevelt était très près de ses sous, mais capable de grande générosité. Madame Parks révèle aussi que le président Truman, parfois, lavait lui-même son linge de corps. Mais bien vite, après les fastes, nous avons découvert les dangers de la domesticité. Nous avons commencé par voir dépérir tous nos valets cuisiniers les uns après les autres. L'un, qui avait été blessé il y a 20 ans, se portait parfaitement bien depuis 20 ans. Dès qu'il a été chez nous, sa blessure s'est rouverte. Le second a été écrasé par un autobus rue de Rennes. Le troisième est devenu jaune comme un citron et s'est penché tous les jours un peu plus vers la terre. Le quatrième avait plus de 40 degrés de fièvre et quand il nous servait à table, les fourchettes et les cuillères jouaient des castagnettes dans les assiettes, tellement il tremblait de fièvre. C'est gai. C'était pas très gai. Pour une maîtresse de maison. C'était pas très gai. Les valets cuisiniers, ça en a fait 7 en 3 mois qui étaient bons à jeter carrément aux ordures, absolument comme de vieilles loques. Et alors, de mon côté, c'était encore beaucoup plus tragique. Je ne pouvais plus du tout respirer et, pour ainsi dire, pas avaler. Nous étions horrifiés par tant d'insensibilité. Seule, Susanna Asquette n'était pas étonnée. Ben, être bonne, ça voulait dire être bonne à tout, bonne à rien. La personne qui était là pour faire tout le sale boulot, c'était certainement pas quelque chose de valorisant. Je crois que employé de maison, c'est le titre officiel, mais je suis persuadée qu'il y a énormément de gens, notamment dans le 16e, qui pensent toujours bonne et qui ne se privent pas de le dire dès qu'on a tourné le talon, hein, et de le dire en aparté, parce que ça s'est enraciné, c'est viscéral chez eux, et s'est enraciné dans leur mentalité et dans leur conception. Alors tous les employés de maison ont démissionné pour laisser leurs employeurs se débrouiller. Impossible de recruter femmes de chambre, cuisinières et surtout bonnes à tout faire. La profession de domestique de maison bourgeoise est en voie de disparition. Enfin, il faut en convenir, les employeurs ont exagéré. Si l'on s'avisait de dresser la liste des abus, des injustices, des manques d'égard, des humiliations dont les bonnes ont été victimes pendant trois quarts de siècle, on comprendrait l'extinction de cette catégorie sociale. La servante au grand cœur a été exploitée de toutes les manières. Rien d'étonnant qu'elle en ait assez. Et du coup, on n'a plus qu'à s'arranger entre nous. Dans notre paisible précipité aussi, le chômage explose. Heureusement, au Groland, la solidarité n'est pas un vain mot. Michel est chômeur, Franck est chômeur aussi. Il a besoin de Michel pour préparer un apéro, car Michel, il lui reste des cacahuètes chez lui. Laurent est au RMI. Il est très content d'amener du pastis chez Norbert qu'on n'avait plus. La copine de Norbert, c'est Brigitte. Brigitte est gentille. Elle a amené de l'abeu à Jean-Philippe qui en voulait justement. Qui lui a gentiment porté de la coke à Pépito, le babysitter des enfants de Franck. C'est de la coke que lui avait donnée Gabi, la femme de ménage de Brigitte, en échange de son travail. Le service gratuit à la personne, c'est 30 millions de personnes qui sont concernées chaque jour. Parce que si on attendait le gouvernement, on serait bien chiés. Le besoin des uns fait les occupations des autres. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir endossé pour nous ce costume d'employé de maison. Néanmoins, vous ne feriez pas ça tous les jours. Alors, à l'instant, nous étions poussière. Eh bien, retournons à la poussière radioactive de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boule des Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Ainsi, toujours en direct du Manchin Palace à 11h31, il est grand temps de rejoindre notre petit village fleuri où nous attendent Monique, le verre d'eau à moitié plein, et Jean-Claude, toujours à moitié vide. Oui, ces derniers temps, Jean-Claude est sceptique car il est persuadé que toutes ces actualités qui s'enchaînent aussi rapidement, comme le débat sur l'identité nationale, la polémique autour du prix Goncourt ou la commémoration de la chute du mur de Berlin, ne servent en réalité qu'à nous faire croire que la crise est derrière nous et qu'après avoir pu dégraisser les entreprises, on peut désormais relancer les pratiques économiques du passé. D'ailleurs, quelle ne fut pas la surprise du Jean-Claude jeudi soir lorsqu'il consulta ses mails à la maison juste avant le dîner. Un séminaire de motivation pendant tout le week-end. C'est vraiment incroyable. Comme si j'avais besoin de motivation. Et ils t'ont prévenu seulement aujourd'hui? Ils auraient envoyé à tout le service un mémo il y a plus de 3 semaines de ça. Comme si ça faisait partie de mon travail de lire leurs satanés mémos et de bosser le week-end. Et t'es obligé d'y aller, tu peux pas refuser. Oh, tu sais bien qu'ils sont tout puissants dans notre pays. Une fois que tu bosses, tu dois renoncer à tout le reste de ta vie. Tes week-ends, ta maison, jusqu'à tes enfants. On n'a plus rien à soir, rien du tout. Ohé tout le monde, à table. Tout ça n'est qu'un moyen de plus de nous rappeler à nous, les humbles, qui est le patron. La motivation pour eux, c'est m'apprendre à rester à ma place. Tuer tous les rêves d'émancipation et de liberté que je... Oh bon sang, ça commence à 9h. Eh oui, Jean-Claude avait raison. Au final, rien n'a changé, puisqu'il était convoqué hier matin à un fabuleux séminaire de motivation dans un relais et château en région parisienne. C'est ainsi que vendredi soir, accompagné de 6 collègues, Jean-Claude a pris l'avion, direction Paname. Cela dit, à peine installé dans le gros navion, Jean-Claude a très vite constaté que ce week-end s'annonçait bizarre. Mesdames et messieurs, pendant le vol, un ragoût de mouton vous sera servi. Ladies and gentlemen, along the flight, ragoût of like an animal. Serve to you, like pensez aux portes, armement des toboggans, vérifiez les vis-à-vis. Bien sûr, ce plateau repas fut dégueu, un grand classique sur les compagnies aériennes. En revanche, Jean-Claude fut ravi de découvrir l'infrastructure luxueuse de l'hôtel où très vite, il s'effondra de sommeil. Réveil à 8h pour le Jean-Claude, petit déjeuner continental à se faire exploser le bide, et ensuite, direction la salle de réunion, rendez-vous à 9h donc pour ce fichu séminaire de motivation où le délégué du personnel du siège social tente de leur expliquer la raison de leur présence ici ce week-end. Chacun d'entre vous est ici parce que tous vous incarnez la réussite, une réussite parfaite dans la dévalorisation de soi. Personne ne vous arrive à la cheville en termes d'inertie, d'auto-justification et d'imposture envers vous-même et envers ceux qui comptent sur vous. Toutes mes félicitations. Vous en êtes tous arrivés là de la même façon, étape par étape. D'abord, on abandonne son rêve, puis on réduit ses objectifs. Et le temps passe, on prend de l'âge et on picore quelques miettes. Bien sûr, on se dit, c'est amplement suffisant. Ce n'est pas suffisant! Vous croyez que vous n'y pouvez rien, mais si, vous le pouvez! Je vais déchirer le rideau de l'ignorance, dissiper le brouillard de la doctrine, détruire les formules et réveiller au fond de vous votre âme de viking! Ok, ce week-end, c'est le séminaire des losers qu'il va falloir transformer en viking. Jean-Claude est déprimé, et plus encore, lorsqu'il découvre ce diagnostic débile. Ok, on a des conflits internes, des problèmes de com, et c'est pour ça qu'on est tous là. J'aimerais vous parler d'une entreprise. Une entreprise dans laquelle la vente est à l'écoute du stock et où le stock anticipe les désirs de la vente. Où la compta prend le café avec les achats. Où le DRH connaît le nom du petit dernier de sa secrétaire. Alors si un jour on vous parlait de cette entreprise, vous diriez quoi? Eh bien vous diriez, mais waouh, moi je veux travailler dans cette boîte, il y a de l'amour dans cette boîte. Eh bien cette entreprise, c'est peut-être la vôtre. Il faut que ce soit la vôtre. Parce que c'est la seule façon de gagner. De gagner tous ensemble. De gagner du respect. De gagner de la motivation. Mais surtout, de gagner de l'argent. Ramasser de l'oseille. Ouais, tu parles. Enfin, surtout pour la boîte, se dit Jean-Claude. Ainsi, toute la matinée est consacrée à essayer de mieux se connaître les uns les autres, afin de créer une authentique synergie au cœur de ce gang des losers. Cela dit, exaspéré par leur mauvaise volonté tout au long de la journée, le coach décide de terminer la séance par un jeu digne de sa connerie. Oh, oh, oh! Mes amis, on va pas se quitter comme ça, sans avoir joué une dernière fois. J'ai retardé ce moment, vous voyez, le plus longtemps possible, mais l'heure tourne. Allons, on va y aller. Bon, que je vous explique un peu la règle du jeu. Oh, ça n'a rien de comique, croyez-le bien. Il faut en effet que je me sépare de quatre d'entre vous. Vous êtes trop bien payés, messieurs, dames. En tout cas, le courage me manque pour désigner comme ça brutalement quatre victimes. Alors j'ai décidé de faire ça sous forme de jeu. Les chaises musicales, je suppose que tout le monde connaît ça. Enfin, nous ne sommes pas du bétail, tout de même, c'est monstrueux. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas légal. J'ai absolument tous les droits. Là, soudain, hier en fin d'après-midi, l'ambiance n'est plus vraiment la même, puisque chacun s'aperçoit qu'il risque de perdre son job avec ce jeu à la con. Tout le monde a la trouille, et pas peu fier de son coup de pression, le coach explique alors à cette bande de losers que ce n'était qu'une menace, mais qu'il va falloir maintenant mettre un peu de bonne volonté afin d'optimiser la rentabilité de la boîte durant ce séminaire. Chacun va devoir faire son mea culpa. Tout ce qu'on a fait avant ne servira à rien si vous repartez avec les mêmes griefs qu'en arrivant. Vous allez nous dire ce que vous avez sur le cœur qui empêche l'entreprise de décoller. Eh bien, puisqu'on est là, qu'on est tous là, qu'on en est là, eh bien, j'aimerais avoir le fin mot sur l'histoire du dossier Gomez. Parce que c'est encore moi qui me suis fait attraper, alors que c'était pas ma faute. Mais... Alors, le dossier Gomez. Ah non, Jean-Claude, tu peux pas laisser accuser Jeanne à ta place. Allez. Vas-y, Jean-Claude. Bon, bah voilà, j'étais parti en clientèle sur Flétrie de Pinson, et je m'étais arrêté pour prendre mon kebab, comme d'habitude, chez Chipot 2000, et là, ils ont pas été capables de me l'emballer correctement. Alors, comme je voulais pas salir mon attaché-case, eh ben, je l'ai enroulé dans un papier qui traînait. Et maintenant que j'y pense, je me demande si c'était pas le dossier Gomez. Ah. Oui, Jean-Claude vient d'avouer cette grosse boulette commise juste avant l'été. Et dans la foulée, chacun leur tour, ses collègues balancent eux aussi quelques bévues de ces dernières semaines. Le coach les félicite et leur annonce qu'ils viennent d'œuvrer pour le bien de leur entreprise, puisque chacun verra ses fautes retenues sur salaire le mois prochain. Aussitôt, les employés comprennent le traquenard et la raison de ce fichu séminaire, l'auto-délation, une nouvelle pratique d'entreprise. Alors bien sûr, hier soir, ils se sont tous ruinés au bar de l'hôtel pour oublier. Jean-Claude s'est couché tard, et d'ailleurs, ce matin, il ne se souvenait plus de rien. Je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas, les gars. Bah, t'étais grave, hein. T'as pété ton câble, souviens-toi. Eh oh, t'es monté sur le chapiteau, accroché au cordage, t'as failli t'aplatir comme un blaireau. Eh oh, tu voulais pas redescendre. Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. On s'appelle ? Comment ça, on s'appelle ? Mais c'est qui celle-là ? S'exclame Jean-Claude. Ses collègues pouffent, mais ne mouffent pas. Fin de l'histoire. Cependant, au moment de faire ses valises, Jean-Claude s'est souvenu qu'hier matin, au petit déjeuner, il a papoté avec le concierge de ce palace. Entre nous, de vous à moi, comment trouvez-vous la petite soubrette du troisième ? Celle qui vient vous porter le petit déjeuner le matin. Belle poitrine, n'est-ce pas ? Vous n'arrêtez pas d'y penser, elle vous obsède, avouez-le. C'est d'ailleurs pour ça que vous venez de commander un thé au lait. Et dès qu'elle aura posé le plateau sur la table, votre décision est prise. Vous plongerez la main dans le corsage de son uniforme et vous la prendrez sauvagement, passionnément, malgré ses supplications. Et c'est là. On ne peut pas dire que ce soit très élégant, mais je ne discute pas. Au palace, le client a tous les droits. Mais avez-vous pensé au risque ? Je ne fais pas allusion aux germes, aux maladies, nos filles sont saines, je peux les garantir. Non, je parle d'un risque vraiment grave, fatal, l'amour. Merde. Alors maintenant, toujours en direct du Borgia Palace à 11h41, il faut rassurer tout le monde car il ne s'est rien passé entre Jean-Claude et la soubrette. Trop peur de tomber amoureux, bien sûr. Et puis, comme le dit ce célèbre dicton du Nevada, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Cela dit, il est l'heure désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le légume qui compte triple pour monsieur Julien Dugast, c'est la carotte. Curieux, n'est-ce pas ? Eh bien, sans en dévoiler beaucoup plus, sache que notre facétieux reporter est allé tendre son micro à monsieur Alain Garrigou, professeur de sciences politiques à l'université de Paris 10. Ainsi, à l'heure où les carottes coûtent de plus en plus cher à l'État, découvrons ensemble, juste après la virgule, comment Julien Dugast se les assaisonne. Avec les lettres W, Q, je forme le mot wacht. Deux consonnes, une voyelle, car deux consonnes, deux voyelles, hot, carotte. Pour moi, les carottes, c'est d'abord un légume, hein, ça c'est clair. Alors ensuite, puisque je fais de la science politique, c'est la carotte et le bâton. Et puis, je crois savoir aussi que carottes, ce sont les prélèvements qu'on fait quand on sonde très profond pour les sondages pétrolifères et autres. Et on retire des carottes. Et j'en ai vu d'ailleurs des carottes. Ça a pas l'air de... ça ressemble pas du tout aux légumes. Je vous propose maintenant de découvrir un petit métier traditionnel au savoir-faire ancestral, fabricant de sondages. Grâce aux sondeurs, nous avons une opinion collectivement sur tout. C'est-à-dire que de temps en temps, ils prélèvent des carottes qui n'existent pas. Il faut advenir ce qu'on appelle, nous, en langage scientifique, des artefacts. Mais il paraît que c'est un mot un peu savant, que tout le monde ne comprend pas. Ça veut dire des choses qui n'existent pas ou qui n'existent que par les sondages. Ce qui compte d'abord, c'est de bien cerner la demande du client. Bonjour madame, je suis le rédacteur en chef du Figaro. Ce serait pour offrir un joli sondage au président de la République. Vous avez une idée de ce que vous recherchez ? Quelque chose plutôt teinté réussite économique, sociale, culturelle ? Je dirais économique, on est sûr de ne pas se tromper. Absolument. Et vous imaginez un taux de satisfaction plutôt modeste, éclatant ? Ah, éclatant, éclatant. Les sondeurs font globalement, on va le dire, du très mauvais travail. De plus en plus du mauvais travail, parce qu'ils ont besoin d'un sondage d'opinion publique pour faire du marketing, ce qui rapporte essentiel, enfin ce qui est l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires pour 95%, hein, ce sont les enquêtes de marketing pour implanter supermarché, travailler une image de marque et des choses comme ça. Mais pour cela, il faut avoir des sortes de références. Alors l'Élysée, c'est une référence. Ils sont prêts à tout pour pouvoir dire que l'Élysée leur achète des sondages. Alors, je verrais bien un thème assez sobre. Peut-être sur le plan de relance du président, avec un résultat qui pourrait ressembler à ça. 67% de satisfaits, ça vous irait ? Ah oui, j'aime beaucoup. On peut à peu près faire dire à peu près n'importe quoi un sondage. Et ça, c'est assez inquiétant. Pour des tas de raisons, ça coûte cher. c'est honnêtement, c'est du gaspillage d'argent public, mais on est tellement habitué que peut-être il n'y a plus de capacité de réaction. C'est, en ce qui concerne les sondages électoraux, c'est parfaitement illégal, puisque ça contrevient à une loi. Bon, c'est fâcheux qu'un président de la République, par personne interposée, ait autant de mépris à l'égard de la loi. C'est peut-être une occasion de la changer aussi. Maintenant, on a des logiciels de simulation. Par exemple, là, j'ai essayé... Comment qualifieriez-vous la politique économique du président par rapport à celle de Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen ? Le taux de satisfaction est trop haut, trop m'as-tu vu ? S'il y a une commission d'enquête parlementaire, cette commission d'enquête va être habilitée pour interroger des gens, des officiels, qui vont être tenus de lui répondre, hein, de lui répondre sincèrement. Elle va pouvoir demander des papiers qu'on ne fournit pas, qui sont secrets. Hein, il y aura un effort de clarification. Il semblerait qu'il y ait des choses à cacher. Parce que s'il n'y avait pas de choses à cacher, l'Élysée ne serait pas monté au créneau pour empêcher une enquête parlementaire. Et demain, nous poursuivrons notre tour des professions méconnues avec un autre métier, celui de fabricant de chiffres du chômage. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Alors, à titre d'information, sache que l'an passé, l'Élysée a déboursé plus de 3 millions d'euros dans les sondages. Ce sont des sommes faramineuses et en plus, franchement, tout n'a pas l'air très clair dans ces histoires de chiffres. Mais bon, c'est aussi une galère pour le staff présidentiel. Attends, t'imagines le lundi matin, quand Claude Guéant et Henri Guénaud doivent décrypter les sondages ? C'est l'enfer. 32% de la population estime que le roi Arthur a trop de responsabilités et qu'il devrait apprendre à déléguer. Mais je les emmerde, moi. Pourquoi je me mêle, sans déconner ? Je vais leur déléguer mon pied au cul, déjà. 23% de la population estime que le seigneur Léo Dagan devrait prendre la place du roi. Quoi ? Quoi ? Et moi ? Fumier ! Le papier, vous ne le jetez pas, hein. C'est moi qui le récupère. Enfin, s'il n'y a rien qui leur plaise, on casse tirer, personne ne les retient. Ils sont trop contents d'habiter un pays progressiste, qui laisse le peuple s'exprimer. Et leur enfiler du progressiste, hein. Le prochain qui est pas joie, se le pend à un arbre. Jusqu'à 9, c'est ok, tu es... Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox. Moitié bouillon, ensuite moitié gin. Gemini, carbure pas au mazout. C'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Tu aimes la nitroglycérine, c'est opus palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les de Liverpool. Barbarelle, la garde tes bottines et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes ou sinon je te renvoie à ta science-fiction. Qui est in, qui est out ? C'est Serge Gainsbourg en 1966 qui te mettait en garde sur la frontière étroite qui existe entre le in et le out. Salut à tous, mon prénom c'est Jean-Jacques et ma passion c'est de faire des blagues téléphoniques à mes collègues de bureau. Je vais me faire passer pour Jacques Chirac. Vous allez voir, on va bien se marrer. Allô Catherine ? Dis donc, je suis Jacques Chirac, le président de la République. Mais moi aussi ? Mais moi aussi, je t'emmerde, pauvre conne. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Ah, Philippe, cette semaine, la presse nous rappelle qu'il est très important d'avoir la reconnaissance des siens. Le quotidien brésilien O Globo, du 3 novembre dernier, nous apprenait l'étrange histoire arrivée à la famille d'Ademir Jorge Goncalves, retrouvé complètement mort après un accident de voiture. Sa mère, sa tante et 4 de ses amis se sont rendus à la morgue pour identifier le corps. Ils ont préparé les obsèques, mais au moment de l'enterrement, qui a débarqué ? Eh bien, Ademir Jorge lui-même. Oui, alors en fait, il avait passé la nuit à se pinter la goule à grands coups de cachaça. Et la famille, en fait, s'était gourée de corps à la morgue. Voilà. Oh, pardon, Philippe, excusez-moi. J'entends une remarque d'un auditeur. C'est Eric, à côté de son poste, au Rincy, près de Paris, qui demande à ce que les fossoyeurs brésiliens soient soumis à un droit de réserve. Bon, d'accord, Eric, hein, ça, c'est le genre de saillie qui doit faire mouche dans les réunions mondaines et autres petits raoûts conservateurs. Sauf que cette semaine, ça a été la panique dans la grande famille des conservateurs canadiens. Le quotidien Le Devoir, jeudi dernier, tout comme l'ensemble des médias locaux, nous racontait comment ils ont appris que Margaret Thatcher était morte. Oui, c'est lors d'un gala réunissant près de 1700 dignitaires conservateurs, dont le Premier ministre Stephen Harper, à Ottawa, que la nouvelle est tombée. Le ministre des Transports a été le premier à annoncer par texto la mort de Thatcher. Alors tout de suite, bon, ça a été la panique, hein. Même le Premier ministre, il a appelé Buckingham Palace. Il avait peur, il s'est dit « elle est morte » et tout, c'est notre déesse. Bon, en fait, non, elle n'est pas morte, Miss Maggie. Ce texto concernait Thatcher, le chat du ministre des Transports. Voilà, un gros matou de 16 ans, ainsi nommé en hommage à la Dame de Fer, qui, lui, est effectivement décédé. Oh, pardon Philippe, un message de Dominique à Paris, qui nous rappelle qu'il ne faut pas souhaiter la mort des gens parce que ça les fait vivre plus longtemps. Eh oui, c'est noté. Alors Philippe, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous cette semaine ? Ah tiens, une histoire de cannibale que nous rapporte l'AFP, ça vous intéresse ? Oui, allons-y. Le parquet général de Russie a annoncé que 3 SDF dans la ville de Perm, à l'est de Moscou, ont tué puis mangé un homme de 25 ans avant de vendre les restes à un marchand de kebab. Bon, ça s'invente pas. Voilà. Oui, c'est horrible. Oh, pardon, encore une remarque d'Éric Durincy qui dit que tant qu'ils ont observé leur droit de réserve, c'est pas grave. Bon, très bien, Éric, décidément. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, le chasseur français, ce mois-ci, nous offre un gros dossier dont il fait sa une. Battu, 15 conseils pour passer une bonne journée. Alors, comme conseil, il y a j'ai tout mon équipement, j'identifie mon gibier, je suis sûr de mes tirs. Tant mieux quand même, hein, vaut mieux. Ou alors, je ne suis pas dérangé par les autres utilisateurs de la nature. Voilà. Oh, il est très bien ce conseil, hein, Philippe. Je vous le lis. Hein. Allons-y. Nous ne sommes plus chez nous quand nous chassons le dimanche. L'heure est au partage de la nature. Ils mettent des guillemets à nature. Cavaliers, cyclistes, randonneurs, tout ce petit monde se promène sur les chemins forestiers sans savoir vraiment s'il en a le droit ou non. Ah, raté un beau sanglier parce qu'il y a 2 VTT sur la piste. Ça énerve pour le reste de la chasse. Voilà, donc bonne balade en famille en VTT à tous et à toutes aujourd'hui, ça va être énorme. Non, Philippe, non, ne rigolons pas, hein, les sangliers font des ravages dans nos campagnes, on le sait, hein, ils provoquent des accidents de la circulation et ils sont loin d'être menacés. Et le chasseur français a raison de s'en inquiéter. Mais vous savez, Philippe, ils ont plein de soucis aux chasseurs français. Par exemple, il y a un article intitulé « La turlute japonaise au coup du soir ». Je vous en dis pas plus, vous irez voir. Répétez. La turlute japonaise au coup du soir. Mystérieux tout ça. Ou un autre intitulé « Une histoire de piston ». C'est la narration homérique d'une chasse avec une vieille pétoire à piston. Voilà. Alors, aucun rapport hein, avec le piston que nous rapporte le Canard enchaîné. Après l'affaire de l'EHPAD, du prince Jean, c'est au tour de l'autre jeton présidentiel, Pierre, de se faire parler de lui. Il est producteur de rap, hein, celui-là. Et il a demandé une aide à la Société civile des producteurs phonographiques qui lui a refusé. Alors d'un coup, ben, le directeur de cette société a reçu un petit coup de fil de l'Élysée, lui faisant comprendre comme ça que tout compte fait, ce serait super hein, que ça se termine bien pour le fiston. Voilà, hein, Philippe, pour Pierre Sarkozy comme pour Bourvil, ce qui lui a donné l'âme d'un artiste, c'est le piston. Voilà, bon, puisque nous parlons de la grande famille des artistes, cette semaine, Libération nous raconte la terrible aventure du tintinophile. Tout simplement. Bob Garcia, c'est un auteur de polar. Bob a commis quelques petits bouquins sur le monde merveilleux de Tintin. Par exemple, il a recherché les objets réels qui ont inspiré Hergé. Ce sont de petits fascicules comme ça, publiés par une association Loi 1901 à quelques centaines d'exemplaires. Ça n'a pas rapporté un rond à l'auteur. Sauf qu'aux éditions Moulinsart, c'est une bande de fâcheux qui s'occupe de l'héritage d'Hergé. Et ils ont porté plainte pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitage, avec, entre autres, comme reproche hallucinant d'avoir publié des dessins qu'Hergé aurait pu dessiner. Oh, c'est compliqué, hein. Il aurait pu les dessiner. Bon, Bob Garcia a été condamné à verser 48 000 euros à la multinationale Tintin, qui n'a aujourd'hui d'artistique que la manière de faire du pognon. Ça, c'est sûr. Assez terrible. Mmh. Bon, allez, très vite pour finir, le magazine sur lequel tous les artistes peuvent compter pour se relancer, c'est Gala, qui fait sa une avec Carla. Carla, déstabilisée face aux critiques et aux lazis. La vie n'est pas facile, hein. Elle se réfugie dans sa famille. Alors Philippe, j'ai bien regardé Gala qui a la gentillesse, sans doute, sans arrière-pensée, de défendre l'épouse du président. Et question rayonnement, je ne sais pas si c'est si bon d'être mise à l'honneur par Gala qui, cette semaine, aux côtés de Carla, n'a trouvé rien de mieux comme winner que Chantal Goya, Christophe Lambert, François Hollande. Et il y a des devoirs de réserve qui se perdent. Merci Monsieur Maudit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 179e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Cédric Lalanne et de Pascal Baldassari, merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefaillère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina et à Aloïs Triard, notre nouvelle stagiaire. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique Nico Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. Un dernier mot pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé au Berlin Palace, pardon, qui avait ouvert ses portes lundi en direct de Berlin. Vous en retrouverez l'adresse sur notre site pour la réécoute. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Blanchon et sa propre recette du crumble. Nous, on se retrouve le week-end prochain, mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.